LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. On considère comme des étrangers en fait, quels que soient les pays où, dans lesquels on se trouve, que ce soit dans les pays de l'Est, en France, dans les pays méditerranéens, on n'est jamais légitime à être sur place en fait, on est toujours considéré comme des étrangers, on nous dit de partir du pays, mais pour aller où en fait, si on part de France, on semble français depuis plusieurs générations, on va aller où? On est français et puis les gens il faut qu'ils acceptent ça. Dans l'ombre de l'antiziganisme. Premier épisode, interdit aux nomades et aux chiens. Voilà. Moi, j'ai du bien ou pas le dos. Ah, moi aussi. On abaisse le feu, si vous voulez. Non, on est bien, là. Bon. Ah, voilà. Allez. Donc ça, c'est le livret de famille. De mes grands-parents. Mais dessus, il y a... Voilà, là, il y a Émile Antoine. Ça, c'est mon père, voilà. Il est né en 31. Paris. À Paris. Vous voyez les caravanes, regardez. Ça, c'est des vieilles photos de famille, alors, Émile Scheitz. Ah oui, c'est tout côté devant nous, là, voilà, c'est ça. Vous voyez tout ça, il y a des caravanes derrière. C'est pas les caravanes de maintenant. Elles sont en bois? Oui. Il y a ça, là, c'était mon père quand il était petit. Il avait perdu ses parents très jeune, sa mère à 27 ans et son père à 32 ans. Et c'était l'époque de la guerre. Là, regardez là. Ouais, toute la famille qui voilà. Pose ben oui, à l'entrée de la roulotte. La roulotte, oui. Avec la guitare, là. Ben oui. Là, c'est tout ça. Là, c'est ma mère. En petite robe blanche avec ouais. Un petit serre-tête. Voilà. Oui. Oui, ma mère, il y a un soldat là de chez nous. Là, ouais, là, il y a un soldat en uniforme. Ah, oui, exactement. Alors, ça, c'est une. Et puis la photo, elle a été partout. C'est la vraie photo de Django Reinhardt quand il est jeune qui joue du banjo au départ. Mais cette photo-là, tout le monde l'a. Mais si je ne me trompe pas, mon père, c'est l'original qu'il a. C'est moi qui l'ai, l'original. Et alors, comment ça se fait celle-là. Que votre père, il a cette photo? Eh bien, parce que c'est de la famille aussi. Django Reinhardt, c'était les cousins, c'était. Oui, mais c'était comme ça. Il a 15 ans. Il est en costume cravate. Ouais. On n'a pas beaucoup de documents comme ça. Hein. Mmh. C'est ça qu'il y a. Parce que tout a été. Les gens chez nous, ils brûlaient tout. Avant, ils brûlaient les photos. Tous les photos, les papiers, les objets personnels, un truc qui vraiment y tenait. Alors là, d'office, ils brûlaient. Mais. Maintenant, c'est le contraire. Maintenant, s'il y a quelque chose qui a appartenu et puis qu'on peut garder, on va le garder et puis on va s'en souvenir. On va l'expliquer aux petits. Ce matin-là, on est dans le bureau d'Émile Scheitz, un petit mobilhome parmi des caravanes. Il nous rejoint avec sa canadienne et une jolie attachée caisse en cuir dans laquelle il a ses photos de famille et des documents officiels. Et quand il se présente, il dit qu'il est français, il dit qu'il est voyageur et aussi qu'il est manouche. Alors on pourrait commencer cette histoire comme ça, par dire qu'il y a des dénominations culturelles. Gitan, Sinté, Manouche, Rome, Yéniche et Voyageur. Qu'il y a aussi des catégories administratives, typiquement françaises, nomades et gens du voyage. Et puis d'autres termes le plus souvent péjoratifs, ou qui le sont devenus, bohémiens, romanichel ou tzigane. Et en fait, la plupart du temps, on mélange tout. Alors que ça n'a rien à voir. Mais ce qu'on comprend assez vite, et c'est terrible, c'est qu'il y a un mot qui rassemble tous ces mots et toutes ces populations, si différentes, et ce mot, c'est l'anti-tziganisme. Alors, à certains moments, en fabriquant cette série, en écoutant les récits des unes et des autres, plusieurs fois, on s'est dit que c'était trop, que les gens n'allaient pas nous croire. Mais pourtant, paradoxalement, on a beaucoup ri pendant les enregistrements. Ri des blagues corrosives de ceux et celles à qui on tendait le micro, emporté par l'humour noir et féroce ou l'ironie constante de nos interlocuteurs. Et puis au bout d'un moment, ça ne nous a plus fait rire du tout. Alors pour définir et mettre à plat l'histoire et les mécanismes de l'antiziganisme en France, on s'est dit qu'il fallait bien 4 heures. Ah Et ma famille, c'est-à-dire, on est tous nés en France, les grands-parents, ainsi de suite. Et, on sait pas trop depuis combien de temps, hein, on va dire comme ça, parce que on avait fait une expo à Fresnes et ils avaient exposé un document, un laissez-passer par le clergé pour les gens du voyage en 1425. Alors, ils l'avaient exposé et c'est là qu'on s'est dit, ah bah, regarde depuis combien de temps qu'on est en France. C'est pour ça que des fois, il y a des gardiens, on nous dit les gardiens, c'est les sénateurs français, et ils disent retournez dans votre pays, etc., etc. Et notre pays, c'est la France. On est né là, les grands-parents, tout le monde, ainsi de suite. Mais notre vie, c'est l'itinérance, c'est le voyage. Et c'est pour ça que maintenant, on voudrait changer quand même le nom, quelque part, hein, de gens du voyage qui ne veulent rien dire, en vrai. Plutôt citoyen itinérant, peut-être ça interpellerait plus certaines personnes qui, pour les faire réfléchir qu'on est des Français à part entière, quoi. C'est ça. Je m'appelle Saïm Ilmile, je suis juriste à l'association La Voix des Roms et un de ses fondateurs en 2005. Et je travaille dans l'association, notamment sur les questions d'antiziganisme. Alors en France, on parle de bohémiens, de tziganes, de nomades, de manouches, de cintés, de gitans, de roms. Et la plupart des gens ne savent pas en fait vraiment à quoi correspondent tous ces mots. Il y en a qui sont des mots choisis, d'autres qui sont des mots subis. Vous, par exemple, vous vous présentez comment ? Oui, je suis rom, mais tous les noms que vous avez cités, en fait, ils ne sont pas le fruit du hasard. Qui sont ces gens derrière ces noms-là. Le tzigane, en tant qu'image, existe dans les esprits, en tant qu'être autre, absolu, par lequel je me justifie dans ma légitimité. Donc, le tzigane, qu'on l'appelle gitan, rom, manouche, etc., bohémien, nomade, toutes ces dénominations-là, à partir du moment où un nom qui est à nous, la dénomination Rome, par exemple, c'est l'exemple type, il n'était pas connu, ce nom-là n'était pas connu jusqu'à il y a 20 ans dans la sphère publique. Eh bien, à partir du moment où, et nous avons contribué à la mettre en circulation, hein, cette dénomination-là, avec l'idée que c'est ainsi que nous nous appelons, et donc on demandait le respect de notre dénomination. Mais le problème est que l'image négative du tzigane vient supplanter le nom que nous, on donne comme dénomination neutre pour nous. Et aujourd'hui, dans la sphère publique, malheureusement, il a pris toute la charge négative qu'ont connu d'autres dénominations auparavant, comme Romanichel, qui n'était absolument pas péjoratif à la base. Romanichel, ce n'est pas un nom, c'est une expression. C'est Romani, Shell, ça veut dire peuple rome, ni plus ni moins. Eh bien, on sait la charge négative que cela a pris, et ça, c'est l'effet de l'antiziganisme. Moi, je suis un manouche. Il y a 5 ethnies en France, hein, vous le savez. Voilà, c'est les Yéniches, les Manouches, les Gitanes, les Sinti, les Roms français, parce que là aussi, il y a un amalgame avec les Roms français, puis avec les Roms d'Europe de l'Est qui ont débarqué il y a plusieurs années. Les autres, ils ont 400-500 ans qui sont en France. Hein, c'est pareil. Nous, on les appelle les Hongrois. Avant, on les appelait les Hongrois. Hein, avec les grandes robes, tout à fleurs, là, c'était... Et à Montreuil, il y en avait plein, justement. Il y en avait plein, Montreuil, bien sûr. Montreuil, là, ici, à Massevran, un peu partout en France. Il y en a plein qui sont sédentarisés, mais ils ont toujours gardé le système du voyage avec. Et ça, c'est des Français. Pour ça, des fois, quand j'écoute les Roms, c'est si, nous, à nous aussi, gens du voyage, parce qu'ils nous disent gens du voyage, et ils nous mélangent avec les Roms et tout ça. Non, nous, on est des gens, on est des Français itinérants. Les Roms, ce qui viennent de l'Europe de l'Est, c'est des sédentaires. Là-bas, ils voyagent pas, eux. Ils sont sédentaires, là-bas. Bon, ils sont partis parce que t'as eu raison, hein, avec tout ce qui leur arrive. Mais en France, ils sont sédentaires. Vous avez vu, ils se montent des cabanes, tout ça. Ils ont pas de caravane. Ils peuvent pas faire le voyage que nous, on fait depuis des siècles en France. Mais les gitans aussi, ils sont sédentaires. Depuis 150 ans, ils sont sédentaires, les gitanes. Mais il y a une grande partie qui garde leur caravane aussi. Et puis qui bougent. Mais ils ont gardé quand même leur mentalité, leur langue. Regardez-nous, les manouches, on perd notre langue. Il n'y a plus qui parle romanesque. Oui. Les Roms, ils ont gardé leur langue. Les Gitans, ils ont gardé leur langue aussi. Les manouches, il faut venir en campagne à Forbach. Et à Forbach, ils ont gardé la langue. Rom, c'est un terme qui désigne l'ensemble des populations historiquement, de culture et de langue romanie. Les Gitans, les Manouches, les Sintés et les Roms, qu'on appelait autrefois les Roms hongrois. Mais Rom, ça désigne aussi les populations romanies arrivées récemment des pays de l'Est et qui sont souvent sédentaires. Mais pour certains, Rom, c'est surtout un terme péjoratif pour désigner des groupes de migrants pauvres arrivés récemment des pays de l'Est, le plus souvent de Roumanie, et que les préjugés anti-tziganes rattachent à toutes sortes de criminalités. Mais ce qui est certain, c'est que la présence des groupes romanis en France est une longue histoire qui se raconte par vagues successives d'installations et qui remonte au Moyen-Âge, une histoire que tente de nous résumer l'historien Ilsen Abboud. Au cours du XVIIIe siècle, on a des mondes gitans qui s'installent durablement en France, en particulier dans le sud, mais dans le reste du territoire aussi. On a des migrations provenant de l'est du Rhin, donc les mondes manouches vont s'installer progressivement dans l'ensemble des territoires, s'ajoutant aux présences déjà anciennes de ces communautés. Et puis on a des groupes Sinti qui viennent du nord de l'Italie, qui passent par l'arc méditerranéen, qui s'installent dans tout le pourtour méditerranéen. À cette diversité s'ajoutent des migrations d'Europe centrale et orientale à partir de la moitié du 19e siècle, qui composent un autre, chapitre des mondes roms en France. D'accord ? Après, l'arrivée des vagues de migrants roms des années 90, ça a accentué une distinction, mais à juste titre, puisque les manouches de Bretagne n'ont rien à voir avec les Roms roumains. C'est-à-dire, ce n'est pas péjoratif de dire ça, c'est juste une réalité historique, il y a une différence d'histoire, tout simplement. L'État, la réglementation a tenté de créer une forme de mythologie, d'une unicité en fait, de cette population. Mais la diversité a résisté, en quelque sorte, résiste encore jusqu'à aujourd'hui. Et résiste aussi dans l'impossibilité de trouver un terme unique. Alors, je m'appelle William Acker, j'ai 31 ans, je suis juriste et je viens d'une famille de voyageurs. Voilà. Et alors, vous avez choisi, pour vous présenter, le mot de voyageur. Pourquoi vous avez choisi ce mot-là ? Parce que pour moi, c'est le mot qui regroupe le mieux toutes les identités collectives, qu'elles soient sociales, culturelles ou même politiques. C'est un terme qu'on utilise chez nous, dans ma famille. Et donc, c'est celui de ma naissance. C'est celui qui me vient le plus naturellement. Et alors, si on précise, votre famille, elle est manouche, elle est gitane, Elle est voyageuse avec tout ce que ça implique derrière, toutes les identités plurielles que ça implique derrière. Donc, il y a des branches d'ancêtres qui sont manouches ou sinto. Et puis, il y en a d'autres qui sont... voyageurs, on ne sait pas trop, avec aussi beaucoup de métissage. Puis moi, plus particulièrement, ma mère est une voyageuse et mon père est un gadjo. Donc je suis un peu des deux. Voilà. La question de l'identité, quand on est voyageur, c'est aussi une question, pas seulement liée au mode de vie et à l'itinérance ou au voyage. C'est une question de parler, c'est une question d'être, c'est une question... de sentiment d'appartenance qui transcende un petit peu toutes les catégories ethnologiques qu'on peut retrouver dans les sciences humaines. Alors dans votre livre justement, Où sont les gens du voyage, il y a un passage justement sur cette question des mots. Bah déjà il faut bien distinguer plusieurs types de termes, puisque en France on a des termes qui sont juridiques, c'est pas une exception dans le monde, mais c'est un particularisme français qui existe depuis au moins 1912 avec la création d'un statut spécifique, statut de nomade, et puis en 69 d'une catégorie administrative, celle de gens du voyage. Donc c'est une terminologie qui a vocation en fait à englober tous les mondes romani, tzigane, tous ceux qu'on appréhendait au 19e siècle et qu'on qualifiait de bohémiens et romanichels, et qui en fait n'est pas du tout parfait, puisque elle englobe à la fois des personnes effectivement qui ont des origines romanies, mais aussi des personnes qui ont des itinérances sans forcément avoir d'origine romanie. Puis ensuite, il y a le terme tzigane. C'est un terme qui est à la fois utilisé en sciences humaines en France, mais c'est aussi un terme qui est décrié, notamment par exemple en Allemagne, puisqu'il fait référence à un statut racial, le Zigeuner. C'est aussi un terme qui a d'autres origines, qui a des origines liées à l'esclavage des Roms dans les anciennes principautés de Roumanie, et qui donc est rejeté par une partie des concernés et qui est parfois approprié par une autre. Et puis il y a des revendications par ailleurs de personnes qui souhaitent passer du terme gens du voyage à des termes comme français itinérant, qui sont des positions politiques que certains partagent ou pas, mais qui existent. Voilà. Nous ne voulons pas, c'est une des particularités de l'association, nous ne cherchons pas à englober tout le monde sous la même dénomination ou à rassembler massivement. Non, nous, ce que nous cherchons, c'est de bien expliquer les concepts et les choses. Entre gens du voyage et Rome, il y a la même distinction qu'entre les roues et les chauffeurs de taxi. Les gens du voyage, c'est un statut administratif. Rome, comme gitan, comme manouche, ce sont des noms de groupes qui se réfèrent à une culture. Donc, on peut être à la fois Rome et appartenir à cette catégorie de gens du voyage qui n'a pas de singulier, par définition. Comme on peut être non-Rome et appartenir à cette catégorie-là, comme on peut être Rome et ne pas appartenir à cette catégorie-là, et c'est le cas de beaucoup de Roms qui sont français ou français d'ancienne date ou de fraîche date ou voilà. Donc ce sont deux concepts de nature différentes. En fait, les deux subissent l'anti-tziganisme de la même manière parce qu'encore une fois, le tzigan c'est le premier produit de l'antiziganisme. On crée d'abord la cible, et cette cible-là, elle est floue, elle est volontairement floue, parce qu'on tape beaucoup plus facilement sur des cibles floues que sur des cibles bien déterminées qui peuvent, elles, se défendre ou qui peuvent susciter des réactions de la part d'autres qui trouveraient ça anormal. Alors, l'endonyme, en fait, c'est le nom qu'on se donne. Et l'exonyme, c'est le nom qu'on nous donne. Alors, y a des difficultés, parce que parfois, pour simplifier les choses, quand on parle à des interlocuteurs qui ne sont pas voyageurs, on va dire « je suis gitan ». Gitan, c'est à la fois un terme qui peut être endonyme ou qui peut être exonyme, c'est toute la difficulté. Mais par exemple, le terme « gens du voyage » est un vrai exonyme. De la même façon que le terme « tzigane » est considéré comme un exonyme à bien des égards. Voilà. Ce que voulait dire William Acker, c'est que par exemple, pour simplifier, quand on parle à quelqu'un qui n'y connaît rien, on lui dit « oui, voilà, bah, je suis gitan ». Oui. Donc c'est parfois, selon l'interlocuteur qu'on a en face, et en fonction du temps qu'on a aussi à consacrer à l'explication de toutes ces subtilités, on va utiliser un terme ou un autre. Effectivement, à l'école, on nous appelait les gitans, donc on avait tendance à dire qu'on était des gitans. Voilà. Je suis venu d'Albanie. Dans mon cas, je viens d'une famille de la classe moyenne, voire supérieure. Donc socialement, nous étions très bien inscrits. Ce qui nous mettait à l'abri d'une certaine expression, d'une expression spectaculaire de l'antiziganisme. En revanche, l'image négative de ce que nous étions censés être était toujours là comme une épée de Damoclès. Donc avoir le choix entre correspondre à l'image que la société majoritaire fait de toi, c'est-à-dire d'être un exclu, un pauvre, un mendiant, un sale, etc., ou s'inscrire normalement dans la société, mais souffrir de cette image-là et être obligé de se cacher et en même temps de ne pas savoir vraiment qu'est-ce qu'on est, parce que la seule image que nous avons de nous-mêmes, c'est celle que cette société majoritaire anti-tzigane produit de nous. Comment être fier d'être Rome quand tout ce qu'on reçoit, en fait, c'est un reflet négatif de cette identité que nous n'avons pas pu nous-mêmes construire. Et vous étiez bien accueillis quand vous étiez petit dans les villages ? Ben, pas forcément, hein, toujours pareil. Hein. Mais c'est toujours pareil, on se mettait pas dans le village. On se mettait toujours à 500 mètres, 1 km. Donc, ils nous voyaient pas, en vrai. Puis, on n'était pas des grands groupes. C'était 4-5 caravanes. Il n'y avait pas de grands groupes. Et vous vivez comment maintenant par rapport à l'itinérance et tout ? Parce que là, donc, on est chez vous, ouais. À Tremblay en France, ouais. Sur un terrain. Comment ouais. Vous vivez ? Est-ce que vous bougez encore ? Comment vous vous organisez ? On essaye de faire le plus possible pour partir un peu. Maintenant, si on part 2-3 mois, on est content. Et avant, on partait toute l'année, vous vous rendez compte ? Maintenant, on n'arrive plus à partir. Et si on part, il faut savoir où qu'on va, avec qui. Des fois, il n'y a plus de place aussi. Mais vous voyez, ce n'est plus le même système de voyage de liberté. Et le stationnement illicite, comme on dit maintenant, il est réprimé par des amendes forfaitaires, des 500 euros qui montent à 3750 euros, de l'emprisonnement, des saisies de véhicules. Vous voyez bien, il y a plein de trucs. Ils ont tout fait pour nous interdire le voyage, quoi. Moi, je dis, c'est ça. Ils ne veulent plus qu'on voyage. La caravane a toujours dérangé en France. On ne sait pas pourquoi. C'est la liberté. Sur le voyage, on a toujours été mal, presque partout, à 95% mal accueillis, quoi. Parce que ce qui manque en France, c'est le contact avec les gens. Les gens, ils ont peur de nous. Nous, on a peur d'eux. Alors, c'est dur à s'approcher l'un de l'autre. Et dès qu'on voit arriver la police, même qu'on n'a rien à se reprocher, on a peur. Cette peur-là, peut-être, elle vient du temps de la guerre, là. Que la gendarmerie, la police a mené, puis a ramassé les familles. Ça. Alors, tout le monde se sauvait dans les buissons, partout, tout le monde, ils abandonnaient tout. Et ça l'a toujours été, ça, cette crainte de cette police-là. Souvent, ils mettent en garde à vue une ou deux personnes, et puis ils disent, si vous partez, on les relâche, vous voyez. Et c'est un truc terrible, n'importe comment. Et maintenant, vous savez quoi ? Ils mentent les gens du pays pour qu'ils interviennent sur les gens du voyage. C'est très dangereux. Vous vous rendez compte ? Là, c'est plus la police ni le maire, c'est des gens du pays qui viennent s'interposer pour pas qu'on stationne. Ça l'a déjà tourné quelques fois à l'affrontement. Et c'est très dangereux. Et des fois, la police, elle est même là. Et elle laisse faire. Parce que le maire, il dit « allez-y, allez-y ». Vous voyez ? Il y a aussi, chez les gens du voyage, beaucoup de gens du surplace, c'est-à-dire des gens qui vivent dans des immeubles, dans des maisons. Oui, il y a des gens d'origine manouche, rome, sinti, de diverses origines, yéniche, etc., qui vivent en maison, qui vivent en appartement. Bah, c'est mon cas aujourd'hui. Voilà. Alors, des fois, on a des familles avec différents profils. Moi, par exemple, mon frère, ma mère voyagent. Et puis moi, je suis en appartement, parce que j'ai fait un choix de vie différent. Mais il y en a qui sont de très longue date sédentaires et qui continuent à se qualifier comme voyageurs parce que c'est leur culture, en fait. Mais ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est que cette sédentarité n'a pas été une clé d'intégration pour une majorité des familles sédentaires. Et c'est là aussi que je parlais tout à l'heure de rue que de nous. Moi, par exemple, j'ai vécu... sédentarisé pendant des périodes dans ces rues où il y avait le terrain de ma tante, de mon oncle, de mon grand-père, de ma mère, où on vivait dans des maisons. Alors il y avait des caravanes à côté des maisons, etc. Mais la rue, en fait, si on regardait les aménités de cette rue, donc le goudron, le revêtement, les éclairages publics, etc., tout ça s'arrêtait à la dernière maison de Gadget. Donc on se rend compte que voilà, cette sédentarisation des voyageurs, elle a pris différentes formes. Elle a été incitée, voire fortement incitée par un ensemble de législations. Elle a été, à un moment donné, dans les discours publics aussi, une forme de moyen d'assimilation et une forme, finalement, de civilisation des nomades. Donc, elle n'est pas toujours très bien vue, pas toujours très bien vécue, cette sédentarisation. Et puis, à l'inverse, on retrouve aussi des voyageurs... qui aujourd'hui sont très contents d'être sédentarisés, d'autres qui cherchent aussi des solutions de sédentarisation, parce qu'il vaut mieux ça que de vivre dans une forme d'errance perpétuelle et qui aujourd'hui devient quasiment impossible en fait, au quotidien. Et alors vous dites justement, vous William Acker, qu'on est habitué au racisme. Vous avez vécu l'antiziganisme vous-même ? Déjà, je l'ai subi au sein de ma propre famille, puisque quand on est une famille... mixte, comme la mienne. On se rend compte que du côté de mon père, quand ils ont vu ma mère arriver, ils ont dit à mon père, qu'est-ce que tu fais, te marier avec une gitane? C'était complètement fou. Et l'inverse était vrai aussi. C'est-à-dire que quand mon père est arrivé dans la famille de ma mère, c'était un scandale pas possible. Fin des années 80, début des années 90, une voyageuse qui se mariait avec un gadjo. Dans ma famille, en tout cas, ça passait pas du tout. Voilà, c'était vraiment quelque chose de scandaleux. Donc déjà, nous, on avait un statut, en tant qu'enfant, un peu presque illégitime de bâtard et qui faisait qu'on subissait des remarques d'un côté ou de l'autre qui n'étaient pas nécessairement un antiziganisme virulent, mais en tout cas qui prenaient racine dans une forme d'antiziganisme. Ensuite, à l'école, être qualifié de gitan, être parfois mis à l'écart, au travail. Moi, dès lors que ça s'est su au travail que j'étais voyageur, j'avais au début mon directeur qui me présentait à ses collaborateurs en disant ben « Voilà, c'est William Acker, et vous savez qu'ils viennent des gens du voyage ?» Aujourd'hui, vu que moi, je travaille en tant que juriste dans une entreprise, que j'ai mon appartement, que je suis physiquement de peau blanche, je subis pas de racisme au faciès, etc. au quotidien, et quand je redeviens quelque part gitan, quand je me rapproche de ma famille, des caravanes, etc. Et par exemple, il y a 2 ans, mon frère a stationné au Lavandou, pas très loin de chez moi. Je vais le voir dans son terrain et toute l'après-midi, on boit le café ensemble. Et plusieurs fois dans l'après-midi, les gendarmes sont rentrés sur le terrain. Ils ne disent pas bonjour, ils font un tour, la police ou les gendarmes, ils font un tour et puis ils repartent. Et puis mon frère me regarde et me fait « T'as vu, ils sont super sympas !» Et il se rendait même pas compte que c'était pas normal que plusieurs fois par jour, la police rentre sur son terrain pour voir comment ils sont installés et comme si ils étaient chez eux, en fait. Il y a des choses aussi que moi, je m'en rendais pas nécessairement compte quand j'étais enfant, qu'on allait à l'école. Ma mère, avant de repartir à l'école, me disait « Vous dites pas que vous êtes voyageur. Faut pas dire que vous êtes voyageur. » Et ça, ça m'est resté longtemps. Dylan Chute est d'une famille sinté. Il est travailleur social, il est aussi éducateur et militant pour l'association La Voix des Roms. Il travaille avec Saïmir Millet et c'est un jeune homme timide, mais déterminé, qui fait partie du programme PKO, dont le but est de signaler et de faire connaître la violence de l'anti-dziganisme sur les réseaux sociaux. Alors j'ai grandi dans une caravane. Mon père avait un terrain près de Montpellier, dans un petit village qui s'appelle Saint-Bresse. Et ma famille, le reste de ma famille était à côté. Il y avait mes grands-parents, mes oncles et tantes. Et on a grandi tous en communauté. Du coup, c'était des terrains qui sont près de l'autoroute, un peu reculés du centre-ville. Et on passait l'hiver là-bas et le reste du temps, on voyageait l'été et le printemps. Et ils faisaient quoi, vos parents ? Mon père est toujours ferrailleur. Et ma mère le vend sur les marchés. Est-ce que vous diriez que vous avez souffert ou que vous avez connu l'anti-dziganisme enfant dans votre famille, enfin que votre famille l'a connu, que vous en étiez conscient? J'en ai pris conscience à l'entrée à l'école, parce qu'avant j'étais dans ma communauté, du coup je n'en avais pas forcément conscience. Quand je suis rentré à l'école primaire, les autres enfants étaient un peu distants avec moi. J'ai eu deux remarques du genre que je sentais mauvais, qu'ils ne voulaient pas me toucher parce que j'étais sale. Du coup, ouais, c'est plutôt pendant mon entrée à l'école. Et puis ça s'est poursuivi tout le reste de la scolarité, en fait. J'ai même eu du harcèlement scolaire à cause de ça. J'ai aussi mon grand-oncle qui a été tué. Et la personne qui l'a tué a pris 8 ans de prison, sauf qu'avec les remises de peine, elle a fait à peine 3 ans. Et mon grand-oncle a été tué devant ses 2 enfants, dont 13 ans à l'époque. On avait fait des manifestations, c'était en 2009, mais ça n'a pas changé grand-chose en fait. Vous pensez qu'il a été tué parce qu'il était voyageur ? Il a clairement dit pendant le procès que oui, que c'était pour ça en fait, ça a été clairement démontré. Et est-ce que vous parliez de ça avec votre famille, avec vos parents, entre vous ? Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a marqué quand j'avais 7-8 ans. On avait vu un panneau interdit aux chiens et aux gitans devant un terrain de camping. Et quand j'en ai reparlé avec une de mes tantes, elle se souvenait plus ou moins, mais ça ne l'avait pas forcément marqué, en fait. Parce que pour nous, c'est tellement courant qu'on ne fait même plus attention, limite. On a appris à vivre avec. Moi, je sais que j'en ai beaucoup souffert parce que je suis quelqu'un de très sensible, je suis hyper sensible, donc c'est ce qui a fait aussi mon engagement. William Acker, juriste. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un antiziganisme systémique, c'est-à-dire qui est vraiment diffus à toutes les strates de la société. Je pense que c'est très illustrant si vous tapez aujourd'hui « gens du voyage » dans une barre de recherche Google, Twitter, Facebook, peu importe le moteur de recherche, peu importe la plateforme, vous y verrez des contenus à majorité négative, voire à grosse majorité raciste. Et ça, on l'expérimente au quotidien aussi, en tant que voyageur. Et effectivement, on ne peut pas complètement découpler l'imaginaire collectif de l'imaginaire étatique et de sa retranscription juridique. Et effectivement, en France, il y a des lois qui ont été clairement anti-tziganes. Le statut de nomade a mené à un fichage qui a servi d'outil, en tout cas, à l'internement de nos arrière-grands-parents, par exemple, qui a servi également d'outil ensuite à la déportation de certains d'entre eux. Et de la même façon que la catégorie administrative de gens du voyage a servi à un fichage par le carnet et le livret de circulation. Pendant très longtemps, il fallait pointer tous les 3 ou 6 mois au commissariat en France quand on était gens du voyage. Et ça, ça a été reconnu juridiquement comme une loi discriminatoire. Donc en 2012, le Conseil constitutionnel a sanctionné la loi de 1969. Il faut savoir par exemple que la grande majorité des voyageurs n'avaient pas accès au droit de vote jusqu'en 2012. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que pour le reste de la population, pour être inscrit sur une liste électorale, il fallait exercer son domicile pendant plus de 6 mois sur une ville, une commune. Pour les voyageurs, c'était plus de 3 ans. Donc en plus, quand vous rajoutez que ce sont des publics qui sont fréquemment amenés à se déplacer, il est très facile de refuser en fait des domiciliations et des inscriptions sur les listes électorales. Puis il y avait d'autres dispositions, par exemple la question du quota de gens du voyage par ville. Jusqu'en 2015, toutes les villes ne pouvaient pas inscrire plus de 3% de leur corps électoral en tant que gens du voyage. Donc le droit en lui-même a été jugé discriminatoire par ses propres instances, le Conseil constitutionnel notamment. Et ça, c'est important. Parce qu'on peut dire que juridiquement, il y a eu un antiziganisme d'État en France. Et ces dispositions, donc, concernant par exemple le droit de vote, elles ne sont plus valables aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, effectivement, les gens du voyage sont rentrés dans une forme de droit commun grâce à la loi Égalité et Citoyenneté de 2017. Mais il y a toujours des grandes difficultés, par exemple, pour les questions de domiciliation. Et ça, c'est lié à un autre phénomène qu'on pourrait qualifier d'antiziganisme municipal. C'est en fait un ensemble de pratiques exercées par des élus locaux qui font en sorte soit d'éviter l'accueil des gens du voyage, soit d'éviter leur propriété. Et qui traduit une sorte de paradoxe dans cette société où on est tout le temps, on enjoint tout le temps les gens du voyage à se sédentariser et en même temps on fait tout pour empêcher qu'ils deviennent effectivement ou locataires ou propriétaires de leur terrain, en tout cas s'installent avec leur caravane sur les terrains. Les actualités françaises en mai 1946. Que sont les gitans ? D'où viennent les gitans ? On ne sait d'eux que leur roulotte, leur goût de la route, leur solitude. L'homme est chaudronnier, les femmes devineresses, comme si par un étrange mystère, cette race détenait les secrets de la vie. Mais le temps change. Les petits gitans vont à l'école, eux dont la tradition est d'être illettrés. Les gitans se décideraient-ils à rentrer dans le cercle des hommes ? Voici, chose étonnante, qu'un gitan est étudiant à l'Université de Paris. Et fait plus étrange encore, l'un d'eux est devenu écrivain et signe aujourd'hui son premier livre. Voici sorti lui aussi de la foule de son peuple, Django Reinhardt, aujourd'hui musicien célèbre. Mais à côté de ces exemples qui sont le signe d'une évolution, le peuple gitan reste ce qu'il était hier, le peuple des roulottes, le peuple de la route, instinctif et mystérieux, avec ses musiques étranges et ses danses éternelles. « Il reste un peuple qui ne quittera les quatre planches des roulottes que pour les quatre planches du cercueil. Un peuple qui, sans terme, sans arrêt, sans but peut-être, continuera comme il le fait depuis la nuit des temps à suivre la route, cette route qui pour lui n'a pas de fin. La force des clichés, c'est que tout le monde les connaît. Tout le monde peut les énumérer, ils deviennent familiers, on en fait des blagues, et puis ils s'installent, ils s'incrustent, ils semblent vrais, ils vont, ils viennent, et souvent ils sont terriblement anciens. Et c'est très intéressant, en fait, d'essayer de faire leur histoire, de comprendre où ils vont se loger et ce qu'ils racontent de la société qui les a créés. Et ça, c'est le genre d'exercice que l'historienne Henriette Asseo maîtrise parfaitement. C'est pas parce que vous détestez l'autre que vous le détestez pour les mêmes raisons chaque fois. Lorsque, au XVIe siècle, l'Église catholique, par exemple, dénonce la bonne aventure comme baptisant avec le diable, plus ou moins, et qu'elle dénonce les tziganes comme étant de faux chrétiens, qu'est-ce qu'elle dénonce dans ces tziganes ? Les tziganes italiens, c'est au moment du Concile de Trente, qui ont gardé l'adhésion au patriarche de Constantinople et qui sont de rite grec. Quand Isabelle la catholique chasse les juifs d'Espagne en 1492, elle ne chasse pas les juifs en tant que juifs, elle chasse les juifs en tant que juifs espagnols qui continuent à avoir d'un côté une fidélité à la couronne, mais de l'autre, à pratiquer la religion judaïque, et elle les chasse. Bon, on voit donc deux schémas qui sont à peu près identiques. Au nom d'un principe religieux, on va chasser un peuple ou des peuples que l'on va considérer comme exclus de la communauté chrétienne. Et donc, vous allez retrouver en permanence des communautés juives et des communautés tziganes. Et chaque fois, vous allez réactualiser le schéma d'exclusion sur la base d'un phénomène politique contemporain. Au XIXe siècle, le grand danger, c'est la circulation populaire, la prolétarisation majeure. Eh bien, comme par hasard, qu'est-ce que l'on dénonce chez les juifs ? Les masses juives misérables qui infiltrent et contaminent l'ensemble des pays européens par une émigration sournoise. Qu'est-ce que l'on dénonce chez les tziganes ? Les tziganes ambulants qui sont la plaie des campagnes. Dans l'entre-deux-guerres, c'est désormais la sociobiologie qui est à l'œuvre, le modèle nazi qui, peu ou prou, a contaminé toutes les sociétés européennes. Peu ou prou. Eh bien, on dénonce chez les juifs le fait qu'ils sont une race à part qui refuse de s'intégrer. On dénonce chez les tziganes le fait qu'ils sont une race métissée. Et au nom de cela, on va éradiquer et les juifs et les tziganes au nom, non pas du fait qu'ils sont des étrangers, mais qu'ils sont des nationaux suspects. Et là, on entre dans une version moderne et sécularisée du même schéma qu'on a vu au XVIe siècle. Et comment expliquer, Henriette Asseo, alors qu'on sait tout ce qu'on sait, qu'aujourd'hui encore, on accuse régulièrement le monde tzigane de vol ou de vol d'enfants encore récemment ? Pour que la dénonciation fonctionne, il faut qu'il y ait un substrat de croyances populaires qui va la faire circuler et une reprise en compte par l'État. Au XIXe siècle, vous avez à l'époque un trafic organisé d'enfants. C'est par exemple le trafic que pratiquent les entrepreneurs du travail des enfants, en particulier les Italiens, les padronés italiens, qui recrutent les bambins italiens du Mezzogiorno, les rabattent et les ramènent ensuite pour les usines textiles en Angleterre, en France ou en Belgique. Donc, vous avez d'un côté une représentation fantasmée et de l'autre un esclavagisme institutionnalisé qui est lié au système de recrutement des usines et du travail d'enfants, de la circulation du travail d'enfants. Eh bien, jamais la représentation fantasmée ne dénonce la véritable réalité esclavagiste. jamais. Elle s'arrête toujours à mi-chemin et elle prend un bouc émissaire. Et c'est très pratique. Parce que comme ça, vous aurez des gens à dénoncer, tout le monde sera content. Et en fait, la réalité d'un système économique inique continuera à perdurer. Et de la même façon pour les Juifs. Si vous dénoncez un hypothétique capitalisme juif, vous êtes sûr de ne jamais atteindre la déforestation pratiquée par les entreprises chinoises ou la démolition par les multinationales de l'énergie ou de je ne sais quoi. Voilà. Et on préfère s'en prendre aux faibles qu'aux forts. C'est tout. On préfère s'en prendre aux faibles. Interactualité, en mars 1964. À Nice, une forme nouvelle de vol, le vol à l'hypnose. La voleuse, une gitane, hypnotise sa victime et elle se fait remettre tout simplement l'argent. C'est arrivé hier dans un magasin de la rue de la Préfecture et la vendeuse en est encore toute tremblante. Cette femme était devant moi, elle paraît sans arrêt. Alors elle me dit, après 500 francs, je vous fais les lignes de la main, tout ça. J'ai dit, non, écoutez, fichez-moi la paix, je voulais absolument qu'elle parte. Alors j'ai pris 500 francs dans la caisse, anciens francs, quoi. Je les ai mis sur la table et j'ai dit, maintenant, partez, je ne veux plus vous voir, quoi. Alors, à ce moment-là, elle a mis ses mains sur mes épaules et j'ai vraiment été prise de panique. Après, j'étais debout, elle m'a assise sur la chaise qui est là. Et après, elle m'a demandé combien j'avais d'économies. Je lui ai dit, comme je parle à une amie. Et puis après, j'ai sorti 15 000 francs de la caisse qu'elle m'a demandé de poser par terre, sur le tapis. Après, un mouchoir, des ciseaux, du fil. Et elle m'a fait des tas de trucs sur la tête, avec des fils, des machins. Moi, à genoux, par terre. Après, je lui ai embrassé les mains. Elle a passé derrière moi. Et puis à genoux, debout, trois pas en arrière, trois pas en avant. Enfin, j'ai fait tout ce qu'elle a voulu. Mais pourquoi avez-vous encore peur maintenant? Vous tremblez. Mais c'est pas que j'ai peur. Je suis embêtée parce que je trouve que cette histoire, si vous voulez, c'est mes associés. Si vous les avez entendus rire, je suis allée à la police. Ils ont tous ri. Et lorsqu'elle est repartie, vous étiez pleinement consciente? Ah, mais je lui ai dit au revoir. On s'est donné rendez-vous à Sainte-Marie-de-la-Mer. Je dois la rejoindre. Est-ce que vous avez l'impression que ce jour du rendez-vous, vous irez? Ah, je crois pas, non. Et sur cet autre cliché qui revient régulièrement, El Sanaboud, qui est celui du vol, est-ce que là aussi, on ne peut pas imaginer que ce sont les législations successives qui déracinent, qui appauvrissent, qui précarisent, qui poussent finalement à du vol alimentaire? Comment est-ce que ce cliché peut s'intégrer? Il est tellement tenace. Oui, il est lié à deux phénomènes, à mon avis. C'est d'un côté le mythe du nomade, donc l'itinérance est forcément coupable. Elle est forcément guidée par des objectifs irréguliers, illégaux, la dépossession par le vol, le brigandage. Donc là, on a un glissement en fait entre la mobilité, la criminalité itinérante et la question du vol. Et puis de l'autre côté, il y a la mythologie de la mendicité. Les occurrences qui associent les Roms à la mendicité sont extrêmement nombreuses et la mendicité est souvent associée dans les esprits, à la question du vol, à, la ruse, à une dépossession déguisée. Ensuite, il faut reconnaître que le sujet des bohémiens, le sujet des tziganes, est devenu un des lieux particuliers de déploiement de mythologie extrêmement profonde et tenace jusqu'à aujourd'hui, au point de créer la rumeur, par exemple, des camions blancs enlevant les enfants très récemment encore en Île-de-France. On peut aussi ajouter la question des sacrifices rituels qui leur sont attribués, même le cannibalisme aussi, dont certains procès sont observés dans des périodes extrêmement contemporaines, dans les années 20 en Europe de l'Est. Donc on a toute une série de points communs, c'est vrai, entre l'antisémitisme et l'antiziganisme, des croisements, d'ailleurs des analyses croisées théoriques, des récits fantasmés de certains savants sur les affinités entre ces deux populations. Mais il y a une spécificité de l'antiziganisme, comme il y a une spécificité de l'antisémitisme d'ailleurs, et de toute autre forme de xénophobie, c'est la question de la sauvagerie, de l'ensauvagement, de la barbarie, de l'archaïsme. Donc ces populations présumée étrangère fondamentalement à l'espace européen et à l'histoire européenne vont être désignées comme des signes de la barbarie la plus profonde. Donc c'est cette idée selon laquelle ces populations seraient incompatibles avec toute forme de modernité, avec toute forme de vie sociale, vie collective, esprit national, paradoxalement. Toutes ces idées vont perdurer encore jusqu'à nos jours. Vous avez une blonde qu'il vous aime beaucoup. Il y aura une réussite pour vous de la personne. Vous aurez la surprise maintenant. Il y aura la réussite. Vous allez devenir très vieux. 98 ans passés. Et c'est maintenant que vous aurez la réussite. Oui, la bonne aventure. Mais c'est aussi la triste, la douloureuse aventure qui chaque matin recommence pour ces tribus gitanes, autrefois nomades et maintenant sédentaires. Dès que le soleil paraît sur le camp, on rallume les feux et les femmes font comme toutes les femmes. Elles s'occupent des enfants. Elles préparent le maigre repas qui cuira dans ces marmites. Pendant que les plus jeunes partent pour la ville, le panier sous le bras, vendre la dentelle ou simplement faire ce qu'elles appellent la Chine. Vieux et jeunes restent souvent des heures immobiles devant les feux allumés çà et là à travers le camp. Assis ou debout, ils contemplent la flamme, écoutent parfois un guitariste, car il y a toujours un guitariste dans un camp gitan. Qu'est-ce qu'il a de particulier, l'antiziganisme ? Vous dites que c'est le dernier racisme finalement accepté, toléré ? Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est recouvert d'une chape de plomb. Et cette chape de plomb fait que... Saïmir Milé. Même à moi, il ne m'est pas venu à l'esprit que l'antiziganisme trouvait sa source dans le plus long esclavage dans l'histoire humaine connue. L'esclavage des Roms. Deux principautés romaines, c'est l'esclavage qui a duré le plus longtemps et qui a commencé avant les esclavages connus en Afrique. Fin 14e siècle, 1387, on mentionne déjà les tziganes comme esclaves dans les principautés romaines. Cet esclavage dure pendant 5 siècles. C'est un sujet qui est très peu connu, peu étudié, très peu enseigné. Et c'est là où on a fabriqué le tzigane en tant qu'autre absolu. Le tzigane était non pas une appellation ethnique, mais une appellation sociale. C'était les esclaves qui étaient appelés tziganes. Alors, après la fabrique romanophone du tzigane, il y a eu la finition française et la distribution à partir de la France de cette opposition originelle entre le nomade et le citoyen. En fait, à l'abolition de l'esclavage, beaucoup d'affranchis Rome ont quitté les principautés roumaines. Une partie d'entre eux se sont installés en France. Et il y a encore des descendants de ces familles aujourd'hui, en France. Et on est au 19e siècle, qui est celui de l'anthropologie, où les idées circulaient. Les fondateurs de la Roumanie moderne étaient tous francophones. Ils avaient fait leurs études à la Sorbonne. Et donc, il y avait cette circulation des idées et des concepts entre universités, déjà. Et aussi dans la société par la suite. Parce qu'il y a eu une arrivée de Rome au 19e siècle, au second moitié du 19e siècle, après l'abolition de l'esclavage. Et ces tziganes rejoignent dans l'imaginaire collectif et aussi dans le traitement réservé par les autorités, ils rejoignent les bohémiens qui étaient déjà avant et qui étaient eux aussi exclus d'une autre manière. Mais le nomadisme prend corps à ce moment-là et on légifère. La Troisième République, donc en 1912, elle légifère sur les nomades en imposant un carnet anthropométrique et donc s'institue une discrimination légale qui va perdurer dans le temps jusqu'en 2017, plus d'un siècle, et aussi dans l'imaginaire public. En fait, combattre les préjugés et se faire connaître ne sert pas à grand-chose. Il faut aller au-delà de ça, et il faut vraiment dénoncer ce racisme qui est omniprésent, qui est très ancien, très populaire, très c'est la dernière forme de racisme acceptable, en fait. Voilà. Mais nous, le principal, c'est savoir lire et compter. Quand c'est lire et compter, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire de plus ? Oui, on a toujours dit ça, mais maintenant on voit un petit peu autrement. On dit aux jeunes, essayez des fois d'être avocat. Vous voyez, peut servir. Voilà, ça peut servir. Ça peut servir quelque part. Oui, c'est vrai. Et mon père savait lire. Il savait lire, écrire. C'était un homme il a eu une enfance malheureuse, mais ils sont restés beaucoup sur place. À Montreuil, vous voyez. Alors donc, il était à l'école, lui. Et puis, il y avait un rachat, un curé, c'est. Il venait nous faire le catéchisme, vous voyez. Et puis, avec mon père, ils avaient des bonnes relations. Et quand il y a l'expulsion, il expliquait à mon père, il dit, si tu fais une association, peut-être ça, comme ça, comme ça. Donc, il en a fait partie de l'association au départ. Il était secrétaire, le rachat, là. Il s'appelait comment ? Le père Dumoutier. Ah oui, c'était un homme phénoménal. C'était quelqu'un vraiment de bien. Voilà, il nous a appris plein de choses. Et grâce à lui, l'association l'a démarré. Puis il a toujours dit que plus tard, ça nous servira. Puis c'est vrai, ça nous sert. Elle ne nous a pas sauvés de certaines choses, mais elle nous a aidés à ouvrir les yeux, à comprendre plein de choses, à voir les systèmes qui sont autour de nous, et essayer de se faire connaître aussi. Alors justement, racontez-nous un peu, Émile Schetz, ce que vous faisiez justement dans cette association, ce que vous faites encore. Donnez-nous des exemples de choses que vous avez faites. La plus belle exemple que je peux vous donner, c'est que dans le 93, même dans le 77, pendant 10 ans, et ça c'était un préfet qui me l'avait dit, il me dit, mais je cherche depuis tant que vous faites la médiation au niveau des familles, depuis 10 ans... Il a dû avoir 5 ou 6 interventions des forces de l'ordre. Ça voulait dire que j'arrivais toujours à trouver une solution, soit qu'ils pouvaient rester un petit peu, soit je les faisais bouger, mais il y avait un autre endroit pour les mettre. Et puis il n'y avait pas de. Donc les forces de l'ordre, ils venaient pas. Puis même des familles, des fois ils avaient quelqu'un en fin de vie. Et puis, il y avait l'intervention des forces de l'ordre programmée pour tel jour. Et là, ils étaient en train de veiller. Et j'ai arrivé quand même à annuler l'intervention pour la reculer. Et même, ils n'avaient pas à revenir parce que les familles, et je les faisais partir deux semaines. Alors, toutes ces choses-là, ça c'était important pour moi. Des familles que vraiment, ils n'avaient pas d'endroit pour l'hiver, puis pas pouvoir mettre les pieds à l'école, pouvoir trouver des places pour qu'ils puissent passer 3-4 mois d'hiver dessus sur place avec l'eau et l'électricité, même temporairement. Et tout ça, c'est, oui, c'est... L'association, j'en suis fier parce que elle amène quand même quelque chose aux familles, aux gens du voyage. Le projet PKO, c'est un projet de lutte contre l'anti-tziganisme en ligne et un projet d'éducation par les pairs. Du coup, on était 5 éducateurs. On a fait des ateliers dans les écoles de Seine-Saint-Denis. On a recensé les commentaires haineux sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok. Et ces commentaires, en fait, on devait soit les signaler à la plateforme, soit à Pharos, qui est un peu le gendarme d'Internet, on va dire. Et on s'est rendu compte que tous les commentaires qu'on avait signalés sur Pharos, on n'a eu aucun retour. Et c'est aussi pour ça que les gens se mobilisent plus, en fait, dans nos communautés. C'est qu'ils se disent, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'est jamais entendu, donc ça sert à rien de se battre. Ce qui est ressorti aussi, c'est que on a vu que les jeunes éducateurs qui font partie des communautés ont un rôle à jouer, en fait, dans l'antidéganisme. Parce que c'est bien de faire parler les personnes qui ont déjà vécu ça et qui savent de quoi ils parlent, en fait. J'ai eu une crise identitaire, on va dire. J'ai eu une aliénation identitaire. Je me sentais pas légitime dans aucune sphère de ma vie, en fait. Que ce soit au travail, en amour, dans tout. Et du coup, ce côté-là aussi a été impacté. Je pense que je me suis senti légitime quand j'ai eu 30 ans, en fait. Ça a pris beaucoup de temps et il a fallu ce temps-là pour me reconstruire, on va dire. Et c'est le militantisme aussi qui vous a aidé, vous pensez ? Oui, ah oui, ça m'a énormément aidé à avoir confiance en moi. Et puis, ça m'a donné du courage, en fait, de voir d'autres jeunes aussi comme moi, qui étaient même plus jeunes que moi, qui avaient un fort engagement militant et qui avaient une forte conscience politique. Et je me suis dit, moi, je me dois de faire ça, en fait, par rapport à ma famille, par rapport à toute ma communauté, tous les gens qui sont persécutés. Même au-delà de ça, en fait, je milite aussi pour l'antiracisme en général. Donc, c'est pour moi, c'est limite un devoir de faire ça. Ben, je pense que c'est important parce que dans toutes les décisions qui nous concernent, on n'a jamais été concerté. Donc, c'est important qu'on soit maître de notre histoire aussi. Prise de son et mixage Florent Layani, Archivina, Mylène Touché et Nawel Baba Ali, attachés de production Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Merci à Ilsen About, William Acker, Henriette Asseo, Saïmir Millet, Émile Schetz, Dylan Chute et Léni Mauduit de la médiathèque Matteo Maximoff. Interdit aux nomades et aux chiens, un documentaire de Perrine Kervran réalisé par Gaël Gillon.